Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Vous avez un problème? Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Pas de problème, ici Frédéric Barbouchy, en compagnie de Martin Boily. Salut Frédéric. Salut Martin. Simon Rousseau. Salut Martin. Salut Frédéric. Salut. Et personne pour faire de blagues. Mais non. On est juste trois. Monsieur Burns n'est pas là aujourd'hui. Mais non, Monsieur Burns est venu, il a volé mes 20$ puis il est parti. Tabarnouche, Monsieur Burns. Excellent. OK. pas de problème, c'est quoi? Bien, c'est une balado-diffusion où trois experts en rien s'improvisent, experts en tout, le temps de régler le problème recueilli sur soit notre site, pas notre site, on n'a pas de site, notre page Facebook fan ou le groupe ou le Twitter ou toujours podproblème@gmail.com. Messieurs. On a eu une question, Frédéric, d'un de nos personnes qui nous écoutent, savoir... On dit podophile. À savoir, est-ce que les coupures du gouvernement conservateur sont responsables du fait qu'on est maintenant plus que trois à l'émission? Et est-ce que tu vas finir cette balado tout seul? Oui, c'est sûr que moi, mon salaire, tu sais, il est beaucoup plus important que le vôtre. Ouais. Et ce serait peut-être plus facile à couper, dans le fond. Ben, déjà qu'ils ont coupé Mathieu un gros morceau. Là. Il était pas donné, le petit. Il était chérant. Là. Il a essayé de négocier encore son contrat à la hausse. Je veux dire, avec la quantité de dons PayPal qu'on reçoit, on n'a pas le choix de vivre ces subventions. Là. Non, mais merci. Si la tendance se maintient, on devrait être capable de se payer une demi-pinte chaque d'ici la fin de l'année? Non. Les dons. Écoute, on a ça en banque. Je pense que faudrait peut-être rembourser les micros qu'on a achetés avant. OK. D'acheter une pinte. Mais cela dit, je vous en paierai une. OK. Avec mon salaire. On pourrait aussi faire fructifier l'argent. Oui, beau problème. Je pense qu'on l'a déjà parlé. As-tu des bons cues pour nous là-dessus, Martin? Il y a plein de beaux stocks en ce moment. Là, qui, Hey, come on! Hey, on a un problème qui nous vient de Tiger Gagnon sur Twitter. Oh. Tiger Gagnon, bravo pour ton nom. J'aimerais ça m'appeler Tiger, moi aussi. Ce qui me rappelle une légère anecdote. Mon cousin, quand j'étais jeune, il nous avait tous écrit une lettre par la poste. Pour nous dire que dorénavant, il aimerait ça avoir un surnom et il aimerait ça qu'on l'appelle Tiger. Pour vrai? Oh! Ouais. Et est-ce que ça a marché? Ben, ça a été drôle parce que mon autre cousin plus vieux, un peu plus arrogant, lui a dit « T'en veux un surnom? » Il s'appelle Joël, mon cousin qui voulait s'appeler Tiger. Oui. Il dit « T'en veux un surnom? On va t'appeler Vagel. » Et depuis ce temps-là, on l'appelle Vagel. Ah, ça va de classe. Mais dans Seinfeld, il y a un épisode là-dessus où George veut se faire appeler T-Bone. OK. Fait que le midi, à job, il commande un T-Bone. Mais là, il y a quelqu'un d'autre qui fait « Hey, moi aussi, je vais en prendre un. » Puis là, ils font « Hey, toi, on va t'appeler T-Bone. » Puis là, il fait « Ah. » Puis finalement, il se fait appeler Coco, je pense, parce qu'il ressemble à un singe quand il se gratte. Mais tu sais, quand ça servir contre toi. On peut pas contrôler ça. Mais bref, Tiger Gagnon, à moins que j'espère que c'est pas Tiger Gagnon, là, mais si vraiment c'est Tiger Gagnon, bravo. Tiger Agnon. Ouais, Tiger Agnon. OK, ton problème est le suivant. Je suis incapable de boire une bière, slash en ouvrir une, sans qu'elle fasse de la boue et de la broue, pardon, et provoquer un dégât. Comment y remédier? C'est un problème d'entreposage, de choix de bière. Peut-être que moi je crois à la théorie peut-être du complot là-dessus. Ouais. Ah oui. Ça veut dire que tous ses amis sont sans lui dire se sont passé le mot pour à chaque fois qu'on lui sert une bière, on l'a shaké en cachette avant. Oh. Yes. Oh. Canadien a pas gagné. Parce que sinon, je ne vois pas comment c'est humainement possible d'avoir une maladresse à chaque fois et faire en sorte que notre bière éclabousse. C'est comme ça... Oui, mais je comprends. Moi, il y a des bières à lesquelles, à chaque fois que je les ouvre, il y a un peu plus de broue, d'effervescence, mais c'est pas systématiquement non plus. Là. Oui, est-ce que tu fais systématiquement un dégât à chaque fois que tu ouvres une bière. C'est non, ça, mais tu sais, je pense que c'est comme plus les Boréales, mettons, je pense. Qui font de la broue? Ouais, ben en tout cas, m'en souvenir. Ben, quand sont généralement, très froides, les micro-brasseries. Ils en font plus. Ouais. Donc, changer de sorte serait déjà une première solution. Les entreposer à un endroit où seul toi sais qu'elles sont là. Moi, je dirais, oui, première affaire, changer de sorte. Deuxième affaire, ne jamais demander à personne de t'amener une bière. Oui, avoir ton stash. Oui. Les acheter toi-même et t'assurer qu'elles ont reposé une bonne heure avant de les ouvrir. Oui. Les gens font « Hey, c'est quoi le meuble qui est dans le coin? » Non, c'est pas un frigo losange. Puis là, toutes tes bières sont cachées là-dedans. C'est ton décanteur à bière. Mais le classique, je sais pas si ça marche avec les bières, mais les canettes de... Gratter le dessous? Mais donner des pichenottes en dessous? Oui. Moi, je me rappelle que dans les camps de jour, des jeunes qui me shakaient ça des canettes faisaient la canette. Puis là, tu leur parles un peu, tic, tic, tic. Ouais, ok, moi, j'espère que ça va pas m'éclabousser dans la face. Puis là, L'ouvrir aussi en deux étapes. Oui, un petit chit-chit. Le fizz. Un petit fizz, et après, on y va. Peut-être consommer aussi des bières flat, entre guillemets. Je parle à des brunes, tu sais, très denses, anglaises, là, un peu, qui recréent l'effet casque. Oui. Alors là... L'effet casque, qui veut dire à la température de la pièce. Température de la pièce, mais à la pompe, si on veut, pas de CO2. Mais faut faire attention, là. Les bières brunes, ça donne mal à la tête plus vite. Plus l'alcool est foncé. Ouais. Plus tu faut que tu t'en remettes le lendemain. Ah oui? Oui. Ah oui, c'est... Je savais pas ça. Oui. C'est vrai, plus c'est dur de... Tu sais, mettons que tu peux boire... brun, rhum blanc, ouais. T'es mieux d'aller d'un rhum blanc pour te faire plus long. Moi, j'aime tellement plus le brun. Ça veut dire que je peux boire des quantités astronomiques de vodka, selon cette logique. Hein? Je peux boire des quantités astronomiques de vodka sans avoir mal à la tête, selon cette logique-là. Non, c'est juste... C'est moins dur de s'en remettre. Ah, okay, non, okay. En fait, c'est parce que c'est plus filtré. Mm. Donc, c'est ton corps qui a moins à filtrer les trucs... la couleur, là, c'est comme... Oui, c'est de la job. Oui, c'est ça. OK. Fait que tu mets pas de colorant dans ta bière. Fait que, oui. Hein? Ben, ouais. Ça va être encore plus dur. Ah, peut-être. Oui, je l'ai pas vu de même, là. Je vais te dire... Martin? Oui, écoutez, pendant qu'on parle, je fais des recherches pour essayer d'expliquer sommairement l'origine de la mousse. Mais c'est un principe physique assez difficile à expliquer, puis j'ai de la misère à vulgariser ce que je lis. Ben, vas-y, compliqué. Mais, tant qu'à lire exactement ce qui est écrit. Mais oui, effectivement, c'est tannant. Mais un procédé aussi, là, ce que je lisais qui est intéressant, tu sais, des fois, on fait ça, le gag, là, de se cogner une bière. Oui. Tu sais, quelqu'un va te cogner ta bière bien sec. Ben, dessus. Oui, par-dessus. Par-dessus, là, ça gicle. Ça fait mousser. Et c'est ça, les chercheurs ont découvert que l'onde de choc transmise dans ta bouteille faisait que l'onde se répercutait sur les parois de ta propre bière. Et puis, c'est ça qui donnait naissance à des bulles qu'ils appellent des bulles mères qui, en une milliseconde, sont déjà en train de se multiplier. Ils créent ce mouvement-là un peu en décapsulant. Fait que ça, peut-être que s'il prend juste des twist caps, peut-être qu'il devrait y aller à l'ouvre-bouteille. Mais ça se peut, effectivement, tu mets le doigt là-dessus, que sa technique de décapsule ou d'ouverture de canette est tout croche. Ouais, parce que si tu gosses beaucoup avec, là, puis tu te promènes dans la cuisine en essayant d'attirer entre tes cuisses, là, ça se peut que t'abrasses un peu. Ou peut-être c'est le genre de gars qui l'ouvre dans son œil. Avec ses dents. Check ça, bonhomme. Hey, ça me coule dans l'œil. Pour éviter le dégât, ça va pas éviter la mousse, là, mais essaie d'avoir un verre peut-être qui contient trois fois la quantité de liquide que tu vas mettre dedans. Comme ça, t'as moins de chances, là, tu sais, que ça éclabousse partout, là. Moi, je te conseillerais, tu sais, il y a des gros verres qui vendent au cinéma, là, pour vendre le format extra large, là. J'en ai un, par exemple, du Hobbit. Ce genre de verre-là en plastique serait parfait, là, tu sais, pour que tu puisses verser... Dans le sud, il y a des vacanciers comme ça, avec, genre, des petits kegs, là. Oui. Traîne-toi un petit keg vide. Un petit keg vide, là, avec une poignée. Oui. Avec une grosse paille. C'est triste à voir, parce que tu dis... « Hey, t'es dans le sud, c'est ta volonté, faut que tu t'apportes le gros verre. » Mais cela dit, moi, là où je peux le comprendre, c'est que des fois, quand on va dans le sud, ils nous donnent un petit verre de bière dans un micro-verre en plastique que j'ai bu en deux gorgées le temps que je sors de la piscine. Tu sais, des fois, c'est quand même une marche de 7-8 minutes pour aller au bar. Et là, le temps de revenir, j'ai plus de bière. Fait que peut-être que si je me traîne mon petit keg... Le serveur me le remplit au complet et ça me permet d'avoir de la bière une fois que je suis retourné à la plage. Et de partir ton bar à la plage et d'en vendre. Avec des petits verres. Oui. J'ai la réponse à ce que je me questionnais. Oui. Parfait. En fait, l'origine de la mousse dans la bière, c'est les protéines qui sont contenues dans la bière, qui, au contact de l'air, en réaction avec le gaz carbonique, va créer cette mousse-là. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment... L'air, le contact de la bière, il n'y aura pas de mousse donc, sans air. Boire c'est dans ça l'espace. Que je cherchais depuis 20 minutes. C'est ça. C'est... Oui. Ta solution, c'est boire dans l'espace. Ou ma sous solution, l'eau. En voilà deux bonnes. Si tu ouvres ta bière sous l'eau, tu n'auras jamais de problème de mousse. Dans un sas. Mais moi, je pense que tu vas faire un dégât dans l'espace. Ouais. Hein? Oui. Ouais. Oui, mais tu vas pas nécessairement faire de mousse, mais tu vas avoir de la misère à contrôler ton liquide là, qui risque de partir non, en faisant ça. Non, mais c'est directement dans la bouche. Non, faut pas qu'il y ait de l'air, là. C'est dans l'espace. Ah oui, OK, oui, oui, non pas en apesanteur. Oui, c'est ça. Oui, OK, directement dans l'espace. Oui, mais là, il y a le problème d'un casque. Il y a d'autres problèmes. Là, c'est ça. Mais ouvre ta bière sous l'eau, mon gars. Bing. Oui. Prochain problème. Si t'aimes ta bière un peu plus salée, ça peut être une bonne solution. Mais si tu l'as dans une piscine hors terre, une piscine chlorée. Mais là, de plus en plus, même les piscines hors terre sont au sel. Là. Le chlore, là, ben, dans 25 ans, les gens ne croiront pas qu'on va leur dire qu'on s'est baigné dans le chlore quand on était jeune. Enfin, voyons, tu faisais pas ça. Vous aviez pas des cheveux blancs? On avait les yeux rouges, au bout de deux. Oui, des lèvres bleues puis des yeux rouges. Mais sinon, là, mettons là, qu'il se faisait... mettons, là... C'est boire aussi. Moi, ça m'arrive des fois à la première gorgée. Parce qu'il dit boire slash ouvrir. Oui. Tu sais, la première gorgée, des fois, tu la pognes pas comme il faut. Puis là, dès qu'elle revient dans la bière revient dans la bouteille, ça commence à monter. Puis là, tu fais non. Tu as l'air, con à sucer le bout de ta bouteille. C'est là. C'est ça. Peut-être que Tiger a besoin d'un assistant. Ah, j'avais oublié que c'était Tiger, merci de me l'avoir rappelé. Tout le temps, lui, ouvrir sa bière. Genre un cadet. Et prend un cadet à bière. Tu demandes tout le temps à un de tes amis, « Hey, peux-tu me l'ouvrir et prendre la première gorgée, s'il te plaît? » Puis après, il te la passe. Un goûteur. T'as un goûteur cadet. Un cadet goûteur. Après ça, les gens font, « Hey, pourquoi on l'appelle Tiger, lui? » Parce qu'il y a un cadet. Oh! Voilà. Ah, ben oui. Oui. Tiger Wood. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Oui. Merci d'expliquer. Pourquoi il y a une maîtresse? Mais moi, je me dis, tu sais, peut-être juste remonter à la source du problème. Oui. Ouais. Si Tiger n'aime pas, a ce problème-là, c'est parce qu'il n'aime pas se faire éclabousser, faire de dégâts. Mais je suis sûr que, mettons, Spongy, là. Oui. Le bonhomme, la mascotte de Spongy Towel. C'est pas un problème pour lui. Pour lui, là, il s'en fout de s'éclabousser une bière. François Mascotte. Dans son personnage de Spongy. Oui, quand il s'ouvre une bière, ça ne le dérange pas, lui. Jamais que Spongy viendrait nous exposer ce problème-là. J'ai étudié Spongy, en fait, pour ça? Non. Oui. Pour vrai, tu ne l'as pas eu? C'était toi ou François? C'était Luc Bouffard qui l'a eu. Puis ils l'ont remplacé par François. Ils l'ont tassé, oui. Terrible. Après une pub, je pense. Bon. Fait que ça a été... Luc Bouffard a fait une pub de... Oui! Ah ouais. Oui. C'est, on le salue. Ouais. Mais donc, Spongy, lui, il fait exprès pour s'en mettre dessus. Ouais. Non, mais même si ça ne fait pas exprès, il s'en fout, lui. Il s'en fout? Ouais, je pense qu'il peut s'en foutre. Spongy, quand il arrive chez eux après une grosse journée chez des étrangers, là... Il aime pas travailler nécessairement, là. Parce que moi, je me disais, si Spongy, lui, son but, c'est de s'en mettre dessus, tu regardes la technique de Spongy, puis t'as reproduit pas. Non, mais je pense, attends, je comprends ce que ton tu, point. Ce que tu proposes à Tiger, c'est d'assumer puis de porter genre une camisole en chamois. Exactement. Ou, En chamois. En chamois. Un gros hoodie. Il y a des gros hoodies qui absorbent pas mal. Ouais, un gros hoodie spongieux là, que tu fais. Ouais. Mon gars, ça te dérangera pas. Tu le tords après. Ouais. Non, faut que ça soit en chamois, comme ça. Tu peux te débarrasser de... Ouais, peut-être que tu vas avoir un enjeu quand même d'avoir l'air habillé normal. Fait que là, t'as ton gros dit. Tu t'ouvres ta bière dessus. Tu t'arranges pour tout récolter le dégât sur toi. Puis tu t'en fous un peu. Puis à la fin de la soirée, t'as peut-être une coupe de gorgée de plus que les autres. Ouais. Tu vas avoir un... Surprise! Tu vas être un bel arôme. Tu vas être bien... tu vas distiller. Oui, tu vas distiller. Tu vas être bien houblonné. Oui, c'est ça. Mais sinon, ouvrir toujours sa bière tout nu dans une petite piscine pour enfants, t'es sûr de ne pas te beurrer et t'es sûr de ne pas perdre de bière non plus. Puis les gens remarquent pas que tu fais t'éclabousses si jamais t'éclabousses. Ben là, ça les dérange pas. Tu fais pas ça dans un party, là, tu fais ça chez vous. Mais dans un party, tu peux remplacer la petite piscine par la douche. C'est oui, sûr, par le bain. Tu ne pourras pas récupérer la gorgée. Avec les sauf si tu mets le bouchon. Si tu mets le bouchon. T'es avec les bottes de tout le monde l'hiver. Les bottes. Tu risques de confondre restant de bière et petit jus de bottes. Et petit jus de bottes. Mais est-ce qu'il y a... C'est le même problème avec des canettes? Je pense que c'est le même problème. Les bouteilles en aluminium maintenant? Ah ouais, des bouteilles en aluminium, ça doit être le même problème twists, tout le temps. Des caps qui servissent. Ouais, j'aime pas ça, moi. Ben non, mais je dis, mais c'est pour lui, là, c'est pas pour nous. Ah, je sais. Mais moi je trippe pas, je n'ai jamais acheté. Peut-être. Les trouve belles. Est-ce que les petites canettes plus longues ont moins de tu sais, techniquement, la forme de la bouteille doit y être pour quelque chose, forcément. Oui, mais il y avait des accidents avec toutes les formes de bouteilles. Moi, je me rappelle de voir mon père qui buvait les bonnes vieilles... Les petits totons. Les petits totons, là. Bon, et il en renversait des fois, là. Je comprends. Ben, je m'ennuie, je pense, des petites bières de totons. Ben, si tu prends si tu bois de la Red Stripe, eux, ils utilisent ce format-là de bouteille. Okay. Et je suis très surpris qu'il n'y ait pas d'autres compagnies qui soient pas... Quel bon marketing. Une petite édition spéciale vintage. Là, moi, là, ça serait ma bière de l'été, c'est sûr. Là. Mettons que la Batte 50 refont des petits totons. Ah oui, on va se battre. C'est pas tant la Batte 50 que les microbrasseries qui ont souvent tendance à vouloir innover dans leurs bouteilles et dans leurs... Eux autres pourraient faire ça, là. Peut-être que c'est plus cher, là, que c'est plus difficile de trouver... Des petits tâtons. Mais la bière en fût, moi, je suis incapable de verser de la bière en fût, là. Je suis pourri. Des fois, c'est dur. Des fois, tu peux pas te battre contre. Quand il faut que tu changes ton fût, par exemple, il y a rien à faire. Ce n'est que de la mousse. Y a-tu d'autres façons de se servir de la bière, là? Canette, bouteille, fût... Ben, directement à même la cuve du brasseur, j'imagine. Oui. Si tu vas directement au Brasseur du Monde ou chez Unibrou, chez Boréal, tu peux peut-être leur demander de te mettre la bouche directement dans la cuve. Injectez-moi ça directement dans les veines. Dans les veines. Boire ça à la louche. La louche, oui. La louche. Non, mais tu sais, on disait de ne pas demander à des amis de nous apporter la bière, de là le complot, la possibilité de complot, mais est-ce que si tu demandes toujours un verre à tes amis, j'ai de la misère, je sais pas, trouver la raison. Non, il y a deux solutions. Là. Soit si tu as peur du complot, en fait, dans les deux cas, si tu demandes à tes amis d'ouvrir la bière pour toi, tu t'en sauves. S'il y a complot, le complot échoue parce qu'eux, ils ne veulent pas s'éclabousser. Et si c'est parce que tu as une technique de marde, eux, ils compensent en l'ouvrant comme il faut. Donc, toujours avoir les mains pleines. Le problème, en fait, s'applique surtout si tu bois seul. Ouais. Mais là, si tu bois seul. Ouais, OK. Ben non, ça peut arriver. Là. Tu sais, t'es tout seul pour regarder le hockey. Tu t'es acheté un six-pack. T'es tout seul sur ton beau divan neuf. Mais là, profite-en, t'es seul. Tu sais, ouvre-en six de fil. Puis teste ta technique, là, tu changes des affaires de test-erreur, là, trial and error. Tu développes, tu t'entraînes. Là. C'est quoi, c'est 10 000 heures? Si tu te mets 10 000 heures dans quelque chose, tu es considéré comme un expert. Ouais. Mais 2 000 heures, tu apprends une langue. Fait que je peux pas comprendre. Tu peux bien apprendre la langue du décapsulage. Non, mais c'est ça qui est mystérieux. Là. On aurait tendance à... Tu sais, s'il me disait « j'ai ouvert 4 bières dans ma vie, les 4 fois ça a mal été », je dirais « persiste ». Ouais. Mais là... mais Il y a toujours les trucs de geek, là, tu sais, la bague ouvre-bouteille. C'est peut-être que s'ils développent une technique là, même si ça fait de la broue, on s'en fout, c'est cool, il y a une bague ouvre-bouteille. Ouais. Un moment donné, je pense que peu importe le cool ou le pas cool, ouais, il faut être capable d'éviter les dégâts. Moi, j'ai une application iPhone qui s'appelle iBeer, qui c'est une imitation de bière. OK. Oui. Fait que si c'est parce que t'as pas vraiment envie d'avoir l'air fou de t'éclabousser, tu bois de la iBeer, tes amis, t'as juste besoin de boire la iBeer à même l'application de ton iPhone. Dans le temps que le iStore avait 8 applications. T'avais iBeer. C'est une des premières applications. T'avais ça, puis Lighter. Oui. Ouais. Ça a été. C'est les deux premières choses auxquelles les gens ont pensé. Oui, faire. Attends, check. Je suis semblant de boire mon téléphone. Ouais. Le sabre laser. J'ai été dans les premiers de ma communauté à avoir un iPhone et je me rappelle que quand j'arrivais à une place où ils savaient que j'en avais un, ils me disaient tout: fais la bière. Oh, oui, vas-y, monte-leur. Hey, check, fais la bière. C'était l'affaire cool du iPhone. T'as été à l'avant-garde. Je me rappelle même que tu nous expliquais. Les iPads, ça pourrait être intéressant. Et moi, je comprenais pas comment cette application, dans l'iPad pouvait me servir, me convenir. Mais c'est drôle, hein, parce que si vous écoutez les premiers Pas de problème, on parle du iPad qui sort un moment donné. Ah oui? Ouais, c'est quoi? C'est juste un gros iPhone, là? Ouais. Oui, c'est ça. C'est très drôle. Quand on dit qu'aujourd'hui, comment on ferait pour vivre ça? C'est ça. Mais... Good times. Ouais. Mais... Mais oui, décapsulé, moi, j'irais pour le test. Le test, entraîne-toi un après-midi, là. Essaye avec des décapsuleurs différents, des formats différents. Test, prends des notes. Je pense que ça pourrait te prendre un œil extérieur. Ouais. Moi, je pense, un coach? Oui, demande à un de tes amis là, qui t'observe. Barman. Ouvre-toi un six-pack, mettons. Mm. Oui, tant mieux si en plus il y a une certaine expertise. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, qui essaie de spotter qu'est-ce que tu fais de pas correct, là, tu sais. Faut juste... Tu sais, c'est probablement très, très, très mécanique et technique, ton affaire, là. Fait qu'il faut juste que tu réapprennes la bonne technique, puis ça t'arrivera plus, là. Ouais, forcément. Écoute, si on réussit à corriger une slice au golf, je pense qu'on doit être capable de corriger une mauvaise ouverture de bouteille de bière. Il y a « How to open a beer, the ultimate compilation », je pense que c'est celui-là. C'est une vidéo de 3 millions de vues. 2 minutes 40 où... c'est ça. Où est-ce qu'il te montre comment ouvrir une bière? Non, mais c'est... Il ouvre des bières avec tout. Comme un bâton de golf, une clé anglaise. Bon, c'est sûr qu'il pète des bouteilles, des bouts. Puis ça gicle partout, mais tout le monde trippe. Oui, parce que ça, c'est comment ouvrir une bière bien mal pris. Ouais, c'est ça. Comme ouvrir une bouteille de vin avec un soulier. Je l'ai fait. Puis... C'était drôle. T'as-tu ri longtemps? Non, mais je me suis trouvé un tire-bouchon maintenant là, parce que, à traîner sur moi parce que je le referais pas. Non, ça a-tu été long? Non, pas si pire, mais tu sais, c'est que tu frappes sur un mur à minuit soir. Ouais. Il faut que tu trouves ton spot où tu déranges pas le monde. Là. C'est ça. Ça te prend le... Ouais. Bon, ouais, ben, frappe sur un mur extérieur, t'es mieux. Ben, j'étais à l'extérieur, mais tu sais, il n'y a pas de bruit. Là, on était on était dans un petit patelin. Parce que tu mets ton soulier et tu tapes sur un mur avec la bouteille, c'est ça? Ouais, ouais, tu mets la bouteille dans le soulier puis là. Puis là, ça avance, puis là, tu tires un petit peu. Combien de coups ça a pris à peu près? Oh, je sais pas, j'ai pas compté, là, mais tu sais, j'imagine. Mais je testais des choses aussi, là. Je voulais pas donner des plus gros coups au début, mais plus ça allait, plus je donnais des gros coups. Fait que ça. Tu sais, habitué, là, j'imagine que ça se fait en pas tant de coups que ça, là. Ouais. Ou... Je vais essayer de le prendre de l'autre bord. Je disais tantôt qu'on veut être capable de ne pas être, de pas faire de dégâts. Mais si on essaie de faire un event comme de quoi, moi, ma méthode, c'est que je sabre mes bouteilles de bière. Mm-hmm. Alors là, naturellement, les gens vont accepter qu'il y a un dégât parce que ça va avec le spectaculaire de l'affaire. C'est ça. Faut, je sabre ma bouteille, ça coule un peu, les gens trouvent ça... spectaculaire et festif, peut-être étrange, mais tu sais... Les gens font la ligne pour recueillir ce qui gicle en dessous. Oui, c'est ça. Et là, fait que moi, à partir de maintenant, tu pourrais essayer ça. Sabre tes bouteilles. Mais les grosses bouteilles, là, j'essaie de... Tu sais, les 1,18 litres, là, je me rappelle pas d'avoir vu ça déborder. Ben, il y a un gros cap, là. Ouais, puis un gros goulot. Ouais. Il y a Ou les grosses unibrous, ils peuvent des fois mousser un peu. Oui, mais les grosses unibrous, ils ont un petit goulot. Ouais, c'est ça. C'est un gros goulot, hein, c'est ça. Gros goulot, là, les grosses toréadors, là, ou les grosses. Fait que prépare-toi tes bières dans les pots maçons. Ouais. Hey, j'arrive, pots maçons, tout le monde, c'est la nouvelle mode. Ça fait déjà un bout que cette mode-là est passée. Non, la mode des pots maçons. La bière des pots maçons. Ouais, ça, j'avoue que c'est pas. Hein. Mais si tu prends les grosses, t'es un peu condamné à boire de la Bull Max jusqu'à la fin de tes jours. Là. Puis ça, c'est ou de la Carling. Un bon 500 ml de flat. Là. Ouais. Un bon 1,18 litres de pas bon, tant qu'à moi. Tu veux-tu boire de la bière ou tu veux pas t'éclabousser? Là? Faut faire des choix. Mais oui, je comprends son problème. Moi, je sais pas systématiquement, mais ça m'arrive. Je pense qu'il faut pas. Mais comme ça t'arrive relativement fréquemment, là, ouais. Qu'est-ce que tu penses que tu fais de pas correct dans ta mécanique? Je sais pas si j'ouvre les deux en même temps. Sais-tu quand je décapsule ou quand je twist cap? Quand je twist cap, il se passe rien. Là. Okay. Je pense qu'il y a un petit geste du poignet qui va peut-être faire heurter les bulles mères. Oui, c'est peut-être ça. Ouais. Puis quand tu prends la première gorgée, il y a comme un petit coup de fouet, là. C'est peut-être là qu'il se passe. Peut-être de revenir lentement quand tu t'as pris ta première gorgée pour pas que ça fasse. Est-ce que si tu prenais une plus grosse première gorgée, tu sais, une première gorgée. Ouais, là, deux, trois. Un tiers de bouteille, tu sais. Penses-tu que ça éviterait le problème? Probablement. Je pense qu'on a un filon là-dessus, là. C'est ça, là, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que tu prends la mini petite gorgée, puis là, en fouettant, frunk. Mais si tu y vas là, comme quelqu'un qui a fait du terrassement, mettons, toute l'après-midi, là, tu prends une gorgée, là, une gorgée de tiers de goulot. Là. Ben, il faut passer le goulot, peut-être. Au moins passer le goulot. Ouais, moi, je pense que ça. C'est vrai, il y a sûrement un rapport avec ça. Faut que la première gorgée soit une vraie bonne gorgée. Oui, c'est vrai qu'on fasse des tests. C'est là que j'aimerais que le gars de. Voyons. L'émission là, scientifique à Télé-Québec, là, le qui est avec le coach Stéphane. Stéphane Bellavance, non, l'autre. Génial. Oui. S'il était là, il pourrait nous aider. Là. Oui. Mais c'est là qu'on pourrait développer aussi le volet expérimentation, pas de problème. Ça veut dire qu'on pourrait faire des on prend une des pause, tests, on essaie des choses. On essaie des choses ou on les essaye live, puis on donne des recommandations là-dessus. Non, je veux dire, on... Faudrait qu'on fasse des vidéos. Mm. Bon, ben, on prend toutes ces propositions en considération. Oui. Un pod vidéocast. Pour les problèmes que qui ont besoin de. On va dire ça. Vidéo. Pas de problème. Plus 5S. 5S. Ben oui. Avez-vous d'autres solutions, les gars? Mariachi. Si tu demandes toujours à un mariachi de venir t'ouvrir la bière. Mariachi. Forcément, tu t'es toujours amusé, tu es toujours content, même que ça mousse un petit peu là. Le cadet, c'est le cadet. Ah, le cadet, j'avoue, c'est. C'est le cadet mariachi. Juste pour on va le plugger un peu pour motiver quelqu'un qui arriverait pas. Non, mais tu sais, t'as de la misère toi à prendre une première grosse gorgée. Là, si on pense que ça peut avoir une implication. Tu prends un petit peu d'hot sauce, un peu d'hot fucking sauce. Rapidement, tu vas avoir le goût d'absorber une plus grande quantité de liquide qu'à l'habituel et tu devrais être capable de prendre une première gorgée qui a de l'allure. Ouais. C'est vrai. Mais il n'y a pas de butt plug. Ben, y a le butt plug. C'est pour ton plaisir personnel. C'est alternatif, le butt plug. Ouais. Moi, c'est le temps que la hot sauce. C'est la hot sauce. Le butt plug, même, il est arrivé par hasard. C'était pas mon défi de départ. Là. Le défi, c'était. La sauce. La sauce, c'est même plus facile. Mm. Tu sais, comment pimenter ta vie sans hot sauce. Eh bien, moi, c'est ça. Moi, je pense que cadet, j'irais pour le cadet. Oui. Sinon, c'est peut-être trop de troubles toujours traîner ton cadet. Je sais pas que je veux parler de sauce trop longtemps, là, mais pour les gens, la hottest fucking sauce, on m'a dit qu'on n'a pas besoin de la commander. Ils la vendent au marché Atwater. Quoi? Ah, oh, ouais? Oui, et probablement ailleurs, mais au marché Atwater, sur un certain, elle est là. Bon. Wow. Ben, courez vous en procurer, parce qu'une fois que Simon va avoir fait cette annonce-là sur Internet, il va pas en rester bien gros. Il va peut-être en avoir moins, là. J'ai-tu déjà goûté? Même pas. Même pas? J'ai goûté à la Gator Bite. Gator Bite. Ouais, mais pas la hâte. Non, mais je vais aller m'en chercher une. Même chose pour les butt plugs. Hein. Pas besoin d'en commander. Ils en vendent aux sexstations. Sexstations. Juste à côté. Au Renaud-Bray. Le Hérotin. Et au Renaud-Bray. Et au Renaud-Bray. Le Hérotin. C'est érotime, non? Non, j'ai jamais su comment le prononcer. Mais il y en, y en vend aussi aux farfelus, mais je pense que c'est des petites têtes d'alligator avec des gros yeux. C'est des bras de poupée. Des bras de poupée, mais après... Il y a des images de tout ce qu'on peut se faire. Ça. Une corne de rhinocéros. Il y a des poupées qui ont plus de gros de bras que d'autres. Mais... Ouais. Il y a aussi les bottes plugs avec une queue de cheval, là. OK. Bon, j'arrête. Donc, oui, on était aux solutions préférées. Oui. Oui. Dépasser le goulot, moi, c'est solution dans les plus réalistes. Mm-hmm. Et après ça, le cadet, c'est toujours drôle. Ouais. Le saut de spongy. Mm-hmm. Moi, encore là, je pense que si tu t'habilles comme ça dans la vie, éclabousser une bière, ça va être le dernier de tes soucis. Ouais. Mm. Oui, moi, je vais y aller avec, c'est ça, le goûteur, le cadet goûteur. Attention aux gestes brusques. Attention, mais dans le meilleur des mondes, je te souhaite d'être capable d'améliorer ta mécanique pour faire en sorte que tu sois capable. Je pense qu'on va le tester. Okay. Puis il y a le Chac à boisson, hein, qui est un autre podcast sur RZO. Mm-hmm. RZOweb.com. Oui, ils doivent avoir, ils peuvent ils pas. J'imagine une opinion là-dessus. Oui, c'est ça. Donc on pourrait peut-être leur filer le problème. D'ici là, allez visiter nos broadcasts sur RZOweb.com. Et allez nous visiter sur notre page Facebook, notre groupe et page fan. Écrivez-nous. On aime ça vous lire. Problèmes, commentaires et ou solutions. Voilà. Oui. Sinon, bien sûr, si vous voulez vous procurer un chandail, pas de problème, hein, visitez le l'instable.com. Oui. Ou Mr. Dress Up qui vend des t-shirts, mais qui vend aussi le t-shirt de pas de problème. Et aussi, pendant que vous êtes sur le site de l'Instable à vous magasiner un t-shirt, n'hésitez pas à nous faire un don. Oui! Et hey, puis j'en profite pour faire des plugs cet été avec l'Instable. On fait le Zoo Fest les 15, 16 juillet et 1er et 2 août. C'est sans texte et contexte où on fait une heure d'impro sans parole avec Réal Bossé, Antoine Vézina, Éric Marcoux, Fred Forget, Éric Deranlo, au Cléopâtre. Et vous faites tirer un butt plug comme prix de présence, je crois. Non, toutes les chaises sont munies d'un butt plug. C'est malade. C'est pour garder les gens en place. OK. Tout le monde, si tu quittes avec ta chaise. OK. Mais toi aussi, tu fais un show au Zoo Fest? Oui, on est au Zoo Fest avec le petit rire jaune. Ouais. Mais les dates, je les ignore. Allez voir sur Internet. Et moi, je vais assister à certains spectacles du Zoo Fest. Donc, vous pourrez voir Simon dans les estrades. C'est possible. Parfait. Les plugs sont faites. Et le mot de la fin? Mot de la fin, Simon? Vous avez un problème, nous avons un podcast.